Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Oui, pour laver 4 kilos de linge avec seulement 12 litres d'eau chaude, il vous faut bien entendu une machine à laver automatique Philips. Automatique Philips. Quelques gestes très simples et elle travaille pour vous. Automatique Philips, car elle vous libère complètement. Elle est pratique, économique et très robuste. Plus de temps pour le bonheur des vôtres. Avec Philips, c'est plus sûr. En 1960 paraît la nouvelle machine à laver Philips et la première édition du Petit Nicolas aux éditions de Noël. Depuis, le livre a été traduit dans plus de 40 langues et vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde entier. En France, il est prescrit pour l'apprentissage de la lecture par l'Éducation nationale et 300 000 titres se vendent encore chaque année. Alors pourquoi cet enfant des années 50 n'a-t-il pas pris une ride ? Ou plutôt, comment ce pur produit des années 50 a-t-il fait pour si bien vieillir ? Le secret est peut-être du côté de la littérature. En se mettant dans la peau du petit Nicolas, Goscinny et Sempé ont réussi à déjouer les travers narratifs qui auraient déposé sur les épaules de ce petit Nicolas une nostalgie peu propice à l'enfance. Mais au fait, quel est son âge ? L'âge de Nicolas est très indécis, c'est-à-dire nous ne lui avons jamais donné un âge précis et nous ne le faisons pas exprès d'ailleurs, mais j'ai remarqué qu'il est toujours un peu plus âgé à l'école que chez lui. À l'école, il aurait près de 10 ans et chez lui, il a environ 7 ans. Mais c'est très vague, il vieillit ou il rajeunit suivant les histoires. Et 1960, c'est presque l'année de formation des Beach Boys, il faudra attendre 1961, vous êtes en train de les écouter. Bonjour Nicolas Télope. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Puisqu'on parle du petit Nicolas, est-ce que je peux vous appeler le grand Nicolas ? Avec plaisir. Vous êtes resté le petit ? Oui, je suis resté un peu le petit quand même aussi. En tout cas, vous êtes l'auteur d'essais sur la bande dessinée et le cinéma, co-directeur avec Tristan Garcia de la collection Le Club de la bande dessinée chez Haydn. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de la revue La Septième Obsession. Vous avez travaillé sur l'anti-atome, on en parlera. Snoopy Théorie, c'est le titre d'un de vos livres. Corto Maltese, Astro Boy. Et je crois que vous aimez particulièrement l'univers des années 50, justement, non ? Oui, j'ai grandi avec. Alors, malgré le fait que j'ai grandi pendant les années 80, j'étais abreuvé par la bande dessinée, effectivement, franco-belge de cette époque-là, que ce soit Tintin, Spirou et tous les personnages qui gravitent autour, comme Boule et Bill par exemple, ou Blake et Mortimer, même si là on s'éloigne un petit peu du monde de l'enfance. Ce qu'il faut dire, c'est que le petit Nicolas, à l'origine, c'était une bande dessinée. Exactement, et c'était pas une réussite. Ah oui. Oui, voilà. Bah, c'est de l'aveu des auteurs. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est pas la réussite que sera la somme des récits qui vont être publiés par la suite, parce que c'était des gags en fait, des gags assez simples en une planche, pas toujours très drôles. Je pense que le talent de gagman de Goscinny n'était pas encore arrivé à son apogée. Et donc bon, c'était assez ordinaire quoi, c'était un petit garçon qui faisait des bêtises, alors que avec le petit Nicolas tel qu'il deviendra par la suite, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Goscinny, dont vous venez d'entendre la voix, pour dire que le petit Nicolas n'a pas le même âge selon qu'il soit à l'école ou à la maison ? Oui, alors c'est intéressant parce que Zep, quand il parle de son personnage Titeuf, donc un personnage beaucoup plus récent, il est fait la même remarque. En fait, c'est un personnage dont l'âge est fluctuant, mais je pense que c'est caractéristique de tous les héros de bande dessinée de cette époque-là, qui n'ont pas d'âge en réalité, qui ne vieillissent pas. Ça aussi, c'est assez remarquable. qui effectivement quelquefois peuvent rajeunir ou un peu plus vieillir, avoir un peu plus de maturité ou au contraire être très immature. Enfin, c'est très instable et je pense que c'est une caractéristique inhérente en fait à la création de personnages de bande dessinée des années 50 et 60. Et Astérix, ça en sera un autre exemple aussi. On sait pas leur âge, Astérix. On sait, il y a plein de choses qu'on sait pas en fait chez ces personnages-là. Et Goscinny, il aime bien créer du mystère et une forme de d'indécision, d'indétermination en fait avec ces personnages. Et quand on dit que le petit Nicolas est un enfant, ça c'est sûr, en plus, il s'appelle le petit Nicolas, mais est-ce que vous arrivez à définir ce qu'est l'enfance pour le petit Nicolas ? En quoi est-il un enfant ? Tout chez lui transpire l'enfance, que ce soit le langage tel que Goscinny le reproduit ou le transcrit en fait dans ses textes, que ce soit les dessins de Sempé qui sont absolument extraordinaires et qui là aussi sont habités totalement par l'esprit de l'enfance, en tout cas de cette époque-là. Et vraiment tout est associé à l'enfance, son comportement à l'école, la façon de voir les choses. Et je pense que c'est ça aussi la clé du petit Nicolas, c'est le regard qu'il porte sur le monde autour de lui, que ce soit à l'école ou que ce soit dans le cadre familial, et puis même plus largement dans la rue, partout en fait. On va écouter la voix de Goscinny et celle de Sempé, c'était au micro de France Culture en 1961. Ils vont raconter leur rencontre et puis la naissance de ce projet Le Petit Nicolas. Je connais Sempé depuis déjà pas mal de temps. Sempé d'ailleurs pour moi est le Nicolas au départ, puisqu'il a eu une enfance qui ressemble beaucoup, je crois, à celle de Nicolas. Je crois que je n'ai pas besoin de dire ce qu'il vaut comme dessinateur. Par conséquent, pour un auteur, c'est une bonne chose de l'avoir comme illustrateur. Il est père d'un petit Nicolas, justement. Il est complètement farfelu. Il ne fait pas... Le petit Nicolas ou le père ? Les deux, ils se ressemblent. Le petit Nicolas beaucoup. Tenant du père. Oui, il est bien parti d'ailleurs pour ressembler au père. C'est sans effort d'ailleurs, il ne joue pas à l'humoriste. Je crois que c'est malgré lui, il ne peut pas s'en empêcher. C'est plutôt utile dans le genre de métier qu'il fait. Et vous, Sempé, voulez-vous nous parler de Goscinny ? Oui, vous savez que moi, c'est mon biographe favori et j'aime beaucoup quand il parle de moi. Non, mais moi, René Goscinny, c'est le spécialiste des bandes dessinées. C'est le spécialiste de la question enfantine, mais moi, je suis absolument ravi parce que j'aime beaucoup les histoires d'enfants qu'il fait et je suis très content de les illustrer. Où l'on découvre quand même, Nicolas Télope, qu'en fait, le petit Nicolas, c'est d'abord le fils de Sempé, voire Sempé lui-même. Je pense que c'est lié au souvenir d'enfance des deux, un peu, ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi dans Le Petit Nicolas, comme ça le sera d'ailleurs pour Astérix, c'est que c'est une histoire d'amitié avant toute chose, c'est une amitié qui relie Goscinny avec son dessinateur, donc Sempé pour Le Petit Nicolas, et puis Uderzo pour Astérix, et la qualité... Même l'intemporalité, je crois, la profondeur, je dirais aussi, de ces récits-là et de ces histoires-là, c'est justement qu'elles sont nées dans l'amitié entre ces deux personnes. Et c'est une amitié qui est longue, hein, entre Sempé et Goscinny, parce que je crois qu'ils se sont rencontrés en 54 dans les studios d'une obscure compagnie de communication qui s'appelait World News, je crois, modestement, hein, et qui, voilà, Sempé apportait un dessin et Goscinny s'est tout de suite lié d'amitié avec lui. Et c'est seulement plus tard qu'est née la possibilité effectivement de faire cette bande dessinée dont on parlait tout à l'heure avec le petit Nicolas qui s'est relativement vite arrêté. Et c'est encore un peu après, donc en 1959, que la première histoire du petit Nicolas paraît dans un journal Sud-Ouest. Sud-Ouest Dimanche. Voilà, ouais, c'est ça, merci. Sud-Ouest Dimanche. Et ça a été tout de suite un succès en fait. Immédiatement. Oui, quand même. Ceux qui l'ont eu entre les mains ont tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se créait, quelque chose de neuf, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Le Petit Nicolas ? Justement, parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque un peu vieillot, même si on continue à le lire. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui n'avait jamais été fait ? C'est le fait de donner la parole à un enfant. Je pense que c'est ça. Et je crois que c'est la clé de tout. Vraiment de tout. Parce que si on regarde ce qui l'a précédé, le petit Nicolas, on a des histoires qui mettent en scène des enfants, et notamment dans la bande dessinée. On a, par exemple, au tout début du XXe siècle, Little Nemo de Winsor McCay, où on a un petit garçon qui fait des rêves absolument baroques et extraordinaire, et qui chaque nuit est emmené vers le pays de Slumberland et se réveille à la dernière case brutalement parce qu'il tombe de son lit. Des espèces de grandes planches, voilà, comme ça, avec une page, souvent, où il y a une histoire comme ça. L'histoire se suit de rêve en rêve, mais la chute est toujours la même, quoi. Il doit se réveiller et la maman s'inquiète de ce qui se passe parce qu'il en fait du raffut, hein, Little Nemo. Donc oui, c'est une bande dessinée extraordinaire, mais là on est dans un monde qui est celui de l'onirisme. Finalement, le véritable enfant, on ne le voit qu'une fois par planche, c'est à la fin, à la dernière case, quand il est en pyjama dans son lit et puis qu'il vient de se réveiller. Alors après, il y a eu d'autres personnages. Celui qui, en 1950, va un peu tout bouleverser aussi, c'est Charlie Brown de Charles M. Schulz, le fameux maître du chien Snoopy. Et là, c'est un autre bouleversement parce que même si ça met en scène exclusivement des enfants dans une banlieue résidentielle américaine tout à fait banale, en fait, la particularité de ces histoires-là, c'est qu'elles mettent en scène des enfants qui se comportent comme des adultes. Ils ont des préoccupations d'adultes, ils ont des névroses d'adultes. Il y a vraiment tout un nœud de problèmes qui ne devraient pas être ceux de l'enfance, qui se développent de strip en strip et pendant 50 ans, c'est assez extraordinaire. Avec des animaux qui parlent quand même. Avec Snoopy qui parle. C'est ça. Snoopy ne parle pas tout de suite. Hein. Snoopy va commencer à parler 7 ans, 8 ans après, et c'est là que ça va commencer à devenir très étrange et très beau. Mais de toute façon, c'est beau dès le départ. Et avant le petit Nicolas, il y a aussi Boule et Bill. Qui est créé... C'est avant le petit Nicolas, Boule et Bill ? Ouais, enfin, ou alors en même temps, ça date de 59. La première D'accord, histoire date de 59. Temps, ouais. Et là, voilà, on a un petit garçon assez normal, avec son chien, Cocker, lui aussi un peu original, pas autant que Snoopy, mais quand même. Mais en fait, à chaque fois, on est quand même à l'extérieur. On est en dehors de l'enfant et en dehors de son point de vue et on observe ce qui se passe autour de lui et ce qu'il fait, etc. Là, ici, avec le petit Nicolas, on a un enfant tout à fait ordinaire, d'accord ? Mais on voit l'action, on voit ce qu'il fait à travers ses yeux. Et ça fait tout basculer. Ça fait tout basculer parce que auparavant, il fallait un prétexte pour que les histoires avec les enfants soient vecteurs d'irréalité. Par exemple, Little Nemo, c'était les rêves. Mm-hmm. Dans Snoopy, le chien, Charlie Brown et tout ça, c'est le chien qui commence à parler et qui devient philosophe en quelque sorte et qui se transforme même quelquefois. Il joue des rôles, il est insaisissable. Boule et Bill, c'est un peu ça aussi. Le chien, il vit sa propre vie qui est fantasque, totalement fantasque. Alors que le petit Nicolas, c'est lui. Son propre vecteur d'irréalité. C'est son regard qui transforme le monde autour de lui et qui crée un décalage total entre les événements tels qu'ils pourraient être perçus par un adulte et lui, comment il, est, il les accepte et il les voit. Alors avant d'écouter un extrait pour voir ce que ça fait que d'être dans la peau du petit Nicolas, puisque c'est ça que nous propose Goscinny, encore une question, Nicolas Tellop, pourquoi ont-ils renoncé à la bande dessinée Goscinny et Sempé ? On a dit au début c'était une bande dessinée, puis bon, elle n'était pas très réussie, mais quand même, il y a une autre raison, tous les exemples que vous avez pris, ça restait de la bande dessinée, puis là non, on passe au récit illustré. Alors la raison est vraiment très simple, c'est que Sempé détestait la bande dessinée. Ah oui. Oui, il aimait pas en tout cas. Il n'a jamais lu de bande dessinée et il voulait pas en faire. C'était une contrainte qui était pénible pour lui. Et on veut bien le croire parce que quand on regarde un dessin de Sempé, c'est un dessin qui s'étale, c'est un dessin qui a sa propre composition. Il se suffit. Voilà, exactement. Tandis que un dessin dans une bande dessinée ne se suffit pas parce qu'il dépend de la case précédente et il dépend de la case suivante. Il y a toute une grammaire qui est quand même très contraignante que Sempé n'acceptait pas. Et c'est vrai que ça l'emprisonne dans une forme d'expression qui n'est pas la sienne. Tandis que quand il illustre les récits, ses nouvelles, ce que certains appellent des contes même pour le petit Nicolas, là, il se fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est plus un dialogue entre le dessinateur et l'écrivain qu'une véritable illustration, parce qu'il prend beaucoup de liberté. Et quelquefois, il y a des décalages assez étranges, à vrai dire, parce qu'on n'arrive pas à voir la correspondance entre le dessin et ce qui est raconté. On comprend que ce dessin illustre cette histoire-là, mais le dessin dit plus de choses. Ou la nouvelle en dit moins, ça dépend. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez incertain et fluctuant aussi dans ce rapport entre l'image et le texte, qui est assez passionnant. Vous arrivez à le caractériser, le dessin de Sempé ? Oui, c'est très beau. je pense que c'est à la fois un dessin qui est héritier du style Atom, c'est-à-dire... Atom ? Oui, voilà, le style Atom, c'est-à-dire le style des bandes dessinées du journal Spirou, telles qu'elles se sont développées autour de l'auteur Franquin, qui va créer Gaston Lagaffe juste peu de temps, en fait, avant le petit Nicolas. Et on voit cette sophistication, le style gros nez, quoi, en fait. Hein, on appelle ça aussi là, le style gros nez. Parce qu'ils ont tous des gros nez ? Ouais, ils ont des gros nez. Oui, c'est vrai. Et il y a même une histoire, d'ailleurs, avec un gros nez. Un faux gros oui, nez. Le faux gros nez. Qui est assez extraordinaire. Enfin, bref. Je pense que c'est, il y a une part de ça. Mais il y a une part aussi d'inspiration, d'illustration de presse américaine. Très, New Yorker. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Goscinny, qui avait beaucoup de vues sur ces questions-là, a tout de suite identifié la qualité du dessin de Sempé comme étant un dessin de type journalistique, enfin qu'on peut publier dans des grands journaux. Et d'ailleurs, c'est lui qui a permis à Sempé de publier ses premiers dessins dans le New Yorker. Il connaissait beaucoup de personnes à New York. À tel point qu'il est difficile aujourd'hui d'imaginer le petit Nicolas sans les dessins de Sempé. On va essayer quand même, on a la radio, donc on va écouter les textes du petit Nicolas, écrits par René Goscinny et lus par notre lecteur bien-aimé Georges Kless. Il s'agit du premier épisode, du premier conte, de la première histoire du petit Nicolas quand on ouvre le livre. Le chapitre s'appelle « Un souvenir qu'on va chérir ». Et l'enjeu, c'est de demander à une classe de jeunes enfants de se rassembler, de se tenir droit pour faire une photo de classe. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents parce qu'on va prendre une photo de la classe qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entré dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait absolument être photographié en martien et que sinon il s'en irait. Le photographe était là aussi avec son appareil et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit qu'il serait dommage de ne pas avoir arithmétique parce qu'il aimait ça. Et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Eudes, un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agnan. Mais Agnan a des lunettes et on ne peut pas taper sur lui aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables et que si ça continuait, il n'y aurait pas de photos et qu'on irait en classe. « Bon, nous a dit le photographe, vous voulez faire plaisir à votre maîtresse ?» Nous avons répondu que oui, parce que nous l'aimons bien, la maîtresse. Elle est drôlement gentille quand nous ne la mettons pas en colère. « Alors, a dit le photographe, vous allez sagement prendre vos places pour la photo. Les plus grands sur les caisses, les moyens debout, les petits assis. » Nous, on y est allés. Et le photographe était en train d'expliquer à la maîtresse qu'on obtenait tout des enfants quand on était patient. Mais la maîtresse n'a pas pu l'écouter jusqu'au bout. Elle a dû nous séparer parce que nous voulions être tous sur les caisses. « Il y a un seul grand ici, c'est moi !» criait Eudes, et il poussait ceux qui voulaient monter sur les caisses. Comme Geoffroy insistait, Eudes lui a donné un coup de poing sur le bocal, et il s'est fait très mal. On a dû se mettre à plusieurs pour enlever le bocal de Geoffroy qui s'était coincé. La maîtresse nous a dit « Maintenant, vous allez vous décider à vous tenir tranquille. Alors, vous allez bien prendre la pose, faire un joli sourire, et le monsieur va nous prendre une belle photographie. » Comme nous ne voulions pas faire de peine à la maîtresse, on a obéi. Nous avons tous souri et on a pris la pose. Mais pour le souvenir que nous allions chérir toute notre vie, c'est raté. Parce qu'on s'est aperçu que le photographe n'était plus là. Il était parti, sans rien dire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle du petit Nicolas ce matin de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé en compagnie du grand Nicolas, Nicolas Télope. L'extrait qu'on vient d'entendre, en fait, ce qui est assez fou, c'est que le dessin de Sempé qui est vraiment au tout début du livre, avant le début du texte, résume tout l'épisode en une page. On voit le photographe qui tourne le dos aux enfants, qui semble accablé et accoudé à l'arbre, la maîtresse qui essaye de faire de l'ordre, le petit garçon avec le sifflet à côté, un autre qui est sous l'appareil photo. Tout ce qu'on a entendu tient en un dessin. Et c'est là la complémentarité dingue entre le texte et l'image. Oui, et puis c'est là aussi le talent fou de Sempé, hein, qui en très peu de traits, avec presque rien, réussit à reconstituer tout un univers. Et cette histoire-là, elle est vraiment... extraordinaire parce que je pense que c'est le théorème de toute la série à venir. Parce que déjà, ça parle d'un souvenir. Et je pense que c'est une mise en abîme quelque part du fait que le petit Nicolas, c'est des souvenirs d'enfance de l'un et de l'autre, de Goscinny et de Sempé. Et puis, le chaos qui est organisé malgré eux, hein, par les enfants, est tout à fait exemplaire, parce que il s'agit de quoi ? Il s'agit de les prendre en photo. Le photographe, d'ailleurs, sûr de lui, dit qu'avec un peu de psychologie, on y arrivera et qu'il n'y a, aucun problème. En fait, au bout de sa vie, il est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Et je pense que c'est vraiment... ça rejoint ce que disait Goscinny tout à l'heure quand il disait que l'âge du petit Nicolas était très fluctuant, était très incertain. Quelquefois, il était un peu plus vieux, quelquefois un peu plus jeune. En fait, le petit Nicolas et ses copains, ils sont insaisissables. Et le fait de ne pas pouvoir les prendre en photo, ça résume totalement la chose. Et d'ailleurs, ça rejoint deux gags. Un qui précède le petit Nicolas, c'est un gag de Snoopy et les Peanuts, de Schultz, et un gag qu'on retrouvera un peu plus tard chez Boulet Bill de Robin. Dans Schultz, c'est Charlie Brown qui lit une définition du dictionnaire sur ce que c'est qu'un beagle, autrement dit le chien qui est censé être Snoopy, même s'il ressemble pas du tout à un beagle. Ouais. Et à chaque phrase, Snoopy il mime ce que son maître vient de dire, de façon à ce que on a l'impression qu'il se conforme exactement à la définition d'un beagle. Sauf que Charlie Brown ne le regarde pas, et donc il s'en rend pas compte. Et à la fin de la définition, il dit, bon, il dit n'importe quoi, mon chien ressemble pas à ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que à travers ça, Snoopy, c'est un personnage qui est insaisissable, qu'on peut pas circonscrire, qu'on peut pas définir, et qui échappe en fait à ce qu'on peut poser comme mot et comme forme sur lui. Boulet Bill, c'est pareil. À un moment donné, il y a le Boule qui est obligé de faire une rédaction sur son chien. Il doit définir son chien, il doit décrire son chien. Et à chaque fois que son père, qui veut l'aider, écrit une phrase, le chien mime le contraire. Donc là, de nouveau, le chien, ça devient quelque chose qui est ingérable. Enfin, oui, ingérable, de toute façon, mais aussi... Et inclassable. Inclassable. On peut pas le figer dans On peut pas le figer. Ah ben, les enfants, c'est pareil, c'est on peut pareil. Pas les figer. Non, on peut pas les figer, mais on peut les présenter. Enfin, là, d'ailleurs, c'est ce que fait ce premier texte. Oui, mais on les présente dans le chaos le plus total. Il y a Alceste, en fait, le gros qui mange tout le temps. Geoffroy, il a un papa très riche qui lui achète tout ce qu'il veut. Il y a Agnan, lui, c'est le chouchou de la maîtresse. Voilà, enfin, on fait leur connaissance, là, quand même. Et d'ailleurs, ils vont revenir toujours. C'est ça. Et ils vont revenir inlassablement avec les mêmes caractéristiques, les mêmes présentations. Mais ça aussi, c'est intéressant parce que là-dedans, Nicolas, c'est le seul à avoir un prénom qui est normal. Alors, normal. Les autres, c'est Geoffroy, Agnan, Alceste, Eudes, voilà. Rufus, voilà, Clotaire, ouais. Voilà. C'est des extraterrestres, quoi. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Bah, vous savez pourquoi il les a appelés comme ça ? Alors, il y a une raison. La Goscinny va vous répondre. D'accord, voilà. C'était une idée comme ça. Un jour, je me suis dit, mon Dieu, sortant un petit peu de Pierrot, Jeannot, Paul. Et puis alors, il y a une chose surtout qui m'a ennuyé. Je me suis dit, j'ai beaucoup d'amis, ces amis ont des enfants. Si j'appelle un petit garçon Jeannot, tous les parents que je connais qui rendent un enfant Jeannot sont sûrs que je parle de leur Jeannot. Ils vont me téléphoner à toute heure du jour pour me dire « Et puis Jeannot a dit ceci aujourd'hui. » Ils vont même se vexer s'ils ne le voient pas dans le compte suivant. Eux, Dagnan, Alceste, c'est quand même relativement plus rare. Donc ce serait un simple souci d'originalité au fond, c'est ça ? On a choisi, Goscinny a choisi des prénoms qui ne ressemblaient pas aux autres de manière à créer des enfants uniques. C'est ce qu'il dit. Ah voilà, donc maintenant votre réponse Nicolas Télope. Moi je pense que c'est pour donner plus de réalité paradoxalement à ces enfants, parce qu'en leur donnant des noms qui sont absolument invraisemblables, ils les incarnent, tandis qu'effectivement Jeannot, enfin même Jeannot, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Jeannot même à l'époque, hein, mais même si c'est, je sais pas moi, Pierre, Jean, Philippe, Francis, que sais-je encore, en fait ils sont pas incarnés parce que c'est des prénoms qui sont vraiment banals, quoi. Tandis que ici, c'est des prénoms qui sont tellement originaux et qui sortent de nulle part. Enfin, c'est des prénoms vraiment d'extraterrestres. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Geoffroy, il a une tenue de martien pour se faire prendre en photo là avec le groupe. C'est que ça permet en fait de définir les copains du petit Nicolas. Et Nicolas lui-même, de toute façon, l'origine de son nom est insolite. Hein. On a demandé à Sempé, la première fois qu'il a fait ce personnage, de lui donner un nom. Et donc, bon, il savait pas. Et en prenant le bus, il est tombé devant une enseigne d'un célèbre caviste et il s'est dit, bah, banco. Donc le petit Nicolas... qui lui aussi existe encore. Oui, voilà, exactement. Il se porte très bien, je crois. Oui, ça conserve, il paraît. Mais c'est intéressant, quoi. C'est un prétexte, en fait, le prénom de Nicolas. Par contre, les autres, pour lui donner plus de réalité, il faut qu'il passe par des prénoms très hors tout, hors du temps, hors de l'époque, hors des normes. Et paradoxalement, cette irréalité incarne d'autant mieux les personnages et d'autant mieux le petit Nicolas lui-même. Alors, on a dit que c'était vraiment un enfant des années 50. Ça va de la pub pour la machine à laver qui a ouvert cette émission. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien parce que la mère du petit Nicolas est vraiment une ménagère. Alors, je sais pas exemplaire, mais c'est vraiment l'image de la femme qu'on se fait dans ces années-là. Et donc, la question est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée avec le petit Nicolas. Vous avez commencé à y répondre. Mais par exemple, si on compare avec ceci, que se passe-t-il ? Mais tout est possible, vous êtes sans munitions et même sans ravitaillement. C'est à l'idéal qu'il faut aux hommes. Allons donc, vous n'allez pas me faire croire que... Madame. Wonderful, 40. Alors, monsieur l'homme, alors demain à 9h. Sève la glace, à la bonne glace, glace qui vaut le prix glacé. Vous aurez sans doute reconnu non seulement le générique de fin de l'émission, de cette émission Le Chemin de la Philosophie, mais surtout la bande originale des Vacances de Monsieur Hulot, réalisée par Jacques Tati en 1953. Le petit Nicolas lui-même ira à la plage un peu plus tard, Nicolas Télope. On est exactement dans cette ambiance-là, non ? Oui, ben c'est les Trente Glorieuses, quoi. Pour faire simple, c'est vraiment... Je pense que là, une des raisons des succès du petit Nicolas à l'époque, c'est que ça a un aspect chronique et que ça enregistre en quelque sorte ce qui est censé être une période de bien-être quand même assez importante. C'est le confort, la quiétude, la tranquillité, la construction d'une vie au foyer qui est stable, qui est heureuse. En fait, ça correspond tout à fait à ce que faisaient déjà les bandes dessinées du style Atom dans les journaux, enfin dans le journal de Spirou et dans le journal de Tintin, c'est-à-dire figer, inscrire les aventures des personnages dans une Belgique heureuse, qui est celle de l'après-guerre, où tout va mieux, où on est à la poursuite du progrès, où on est à la poursuite d'un bien-être apporté par la technique et évidemment par rapport à une classe moyenne qui est en train d'émerger, qui va pouvoir... Et dont Nicolas fait partie. Nicolas en fait totalement partie. Nicolas, il fait partie de ça à plus d'un titre, par sa famille, mais aussi parce que lui-même, c'est un enfant moyen. C'est-à-dire un enfant moyen ? Ben ça c'est Goscinny qui le disait d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est un enfant moyen parce que c'est pas le premier de la classe, ça c'est Agnan. C'est pas le dernier, c'est Clotaire, c'est lui qui est toujours puni. Donc il est entre deux. Bon, il est pas brillant. Dans une des aventures du petit Nicolas, ils reçoivent leur carnet, hein, leur bulletin avec les appréciations. Ils ont tous peu mieux faire. Donc on est vraiment dans une strate sociale moyenne, quoi. Et en réalité, c'est exactement ce que va représenter la bande dessinée de l'époque. Et c'est même exactement ce qu'on représente dans les strips depuis le début du XXe siècle aux États-Unis, par exemple. Les strips, alors hors Little Nemo, parce que là, on est dans un univers qui est totalement fantasmagorique, mais par exemple, des strips comme Pollyanna Pals ou Pim Pam Poum, bref, toutes ces choses-là, et y compris Snoopy et les Peanuts, c'est vraiment un art de la chronique qui vise à donner une place et une importance à ce que l'art, avec un A majuscule, généralement laisse de côté, ne cherche pas à représenter, c'est-à-dire c'est l'humanité moyenne. Donc c'est ces gens que quelquefois l'aristocratie méprise, mais qui en fait correspond à la majorité des lecteurs. Et avec toutes ces bandes dessinées-là, et avec le petit Nicolas en 1960, on accorde une place à cette humanité moyenne. Et c'est assez, c'est assez intéressant aussi dans la mesure où c'est suite à un cataclysme épouvantable qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, avec donc une catastrophe historique qui a écrasé quelque part les populations dans laquelle ils n'ont pas pu s'inscrire, et ils ont eu du mal à se réinscrire dans la vie d'ailleurs juste après ça. Alors du coup, leur donner un espace de représentation, leur donner un espace qui est celui du quotidien, de la banalité, de l'ordinaire, quoi, quelque part, d'une répétition, en fait, toujours des mêmes motifs, des mêmes enjeux, des mêmes difficultés. Ça permet de les inscrire, en fait, dans une sorte de bulle. Oui, c'est une vie sans drame. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des contretemps, il y a des aventures, mais il n'y a pas de drame. C'est pas, ouais, c'est ça, c'est pas dramatique, quoi. C'est quotidienne, avec les soucis domestiques et les soucis d'enfants. Mais... Exactement. Mais c'est comme si cette répétition cyclique, d'ailleurs qui va suivre quelquefois les saisons, qui va suivre aussi les événements qui marquent une année, scolaire ou pas, ça permet en fait de les de se protéger de l'histoire, en fait, de se protéger des cataclysmes de l'histoire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les bandes dessinées type Gag, Boule et Bill, ça en sera un exemple, mais il y en a d'autres aussi. Et aussi plus tard dans la télévision avec les sitcoms. Les sitcoms jouent sur ce principe-là. Toujours le quotidien, toujours les habitudes, et rarement de mélodrame, quoi, en fait. Au contraire, on donne une importance, on donne une place, enfin, à ceux qui en avaient pas jusque-là. Tiens, celle-là, c'est pour tante Olga. Maman ? Oui, mon chéri. C'est quoi le verbe plaire à la deuxième personne du pluriel du subjonctif passé ? La deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc, au présent, c'est vous me plaisez. Et au subjonctif passé, c'est donc que vous me... Les rates. Non, vous me plusiez. Non, vous me plûtes. Plusiate. Bon, écoute, Nicolas, de toute façon, c'est à toi de trouver. Oui, et ta mère a raison, pour devenir autonome, il faut apprendre à débrouiller seul. Voilà. Ah. Mais tu crois pas que ça serait bien que j'envoie une carte postale à Monsieur Moucheboum ? Oh, écoute, c'est pas le moment de penser à ton patron, on est en vacances. Certes, enfin, je te rappelle que c'est grâce aux bonnes relations que j'entretiens avec M. Moucheboum que nous pouvons les prendre, ces vacances. Oui, enfin, c'est pas lui qui a inventé les congés payés non plus. Qu'est-ce que je mets ? Monsieur Moucheboum, cher Monsieur Moucheboum ou mon cher Monsieur Moucheboum ? Oh non, mais ça va pas recommencer ! Non, mais je te demande juste ton avis pour être sûr que ce soit pas trop obséquieux. Ça veut dire quoi, obséquieux ? Ça veut dire rampant et servile, comme un esclave. Endors-toi, je vais me débrouiller tout seul. Je vous ai dit qu'on allait retrouver le petit Nicolas à la plage. Alors non seulement paraîtra le volume des vacances du petit Nicolas, mais plusieurs films, dont deux réalisés par Laurent Tirard. Vous venez d'entendre un extrait des vacances du petit Nicolas. Les parents, ce sont Valérie Lemercier, Cad Merad, le petit Nicolas, Mathéo Boisselier. Il y a même un troisième film du petit Nicolas qui est en train d'être tourné par Julien Rapneau. Alors moi, j'adore les vacances du petit Nicolas, mais je crois que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Nicolas Tellop. Enfin, le film, je veux dire. Pourquoi ? Sans Sampé, ça marche plus ? Ah oui. Oui, mais de la même façon que toutes les adaptations de bandes dessinées à l'écran ont été catastrophiques quand on passe en film live, hein, évidemment. Le film d'animation, c'est encore un autre problème. Mais je sais pas, récemment, ils ont adapté Gaston Lagaffe, ils ont adapté Boule et Bill, mais ça tient pas. Et là, bon, bah peut-être qu'intrinsèquement le film il est pas mauvais, hein. Mais là, ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est pas le petit Nicolas. Les parents ont jamais cette place-là. Ils ont jamais. Si, il y a le père du petit Nicolas qui parle sans cesse de son patron, Monsieur Moucheboum. Il y a le fameux épisode de la Bonne Franquette où ils veulent l'inviter, mais ils savent pas quoi faire à manger. Oui, mais. Là, le problème, c'est que on les voit de l'extérieur et pas du point de vue du petit Nicolas, qui lui comprend rien et qui pense qu'on s'amuse ou qu'on fait n'importe quoi. Là, les parents, ils sont mis sur le devant de la scène et on pose sur eux un regard qui est extérieur et qui est plus le regard intérieur du petit Nicolas. Et de toute façon, le cinéma pouvait pas s'approprier à la fois le dessin de Sampé, mais aussi l'écriture de Goscinny. C'est un tout que la mise en scène cinématographique ne peut pas atteindre. Parce que ce serait très compliqué, enfin c'est même impossible en fait. C'est un peu, je vais faire une comparaison, c'est un peu comme adapter Proust. Moi ça me semble être aussi compliqué. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut adapter la littérature au cinéma? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer complètement l'écriture, même scénaristique? Voilà, c'est ça, ouais. Peut-être, ou transposer. Déjà, ne pas dire que c'est le petit Nicolas, ce serait Ah oui, vous allez jusque-là, vous êtes sûr. Hein. Mais non, parce que comment est-il possible de s'inscrire au cinéma dans la tête d'un enfant? Si ce n'est justement en incluant dans la représentation, dans l'action, des dérèglements, des disjonctions qui sont celles en fait de chaque récit. Toute la qualité en fait toute l'importance des récits du petit Nicolas, c'est que comme on est dans la tête du petit Nicolas, il met tout au même niveau, alors que les choses sont très différentes les unes des autres. Ouais. Par exemple, un des motifs d'écriture de Goscinny, c'est qu'il utilise beaucoup la police indette. C'est-à-dire qu'il ajoute des « et » constamment. Et ceci, et cela, et cela, et cela. Et généralement, cette accumulation, cet effet d'addition, on aurait tendance à croire que, en fait, c'est pour mettre des choses au même niveau, comme dans une forme d'énumération, même si c'est une énumération d'actions. Or, pas du tout. Il y a toujours un moment où ça dérape. Il y a un épisode, par exemple, où ils doivent déplacer une table dans la salle de classe et il raconte, il dit, parce qu'il y a l'inspecteur qui arrive. La maîtresse se fait inspecter, donc c'est un drame. Et ils ont renversé de l'encre et du coup, l'idée, c'est de planquer la table, la mettre au fond pour pas que l'inspecteur le voie. Et alors, il raconte ça, le petit Nicolas, il dit « Et alors, on s'est tous levés, on a commencé à bouger la table, et c'était un sacré bazar, parce que c'est une rude affaire, et on rigolait bien, et l'inspecteur est entré avec le directeur. » Et le « et », on a l'impression que c'est une suite logique, alors que non, c'est une chute, quoi. Et très régulièrement, Goscinny, il utilise ça dans sa grammaire, dans son style, c'est qu'il met plein de choses sur le même niveau, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui se dérègle, c'est une disjonction. Et là, il reproduit vraiment le langage d'un enfant. Voilà. Il raconte une histoire sans forcément maîtriser les subtilités de la langue française et l'art de Non seulement les subtilités de la langue française, parce qu'effectivement, c'est une langue qui est très simple, etc., mais aussi le regard qu'il porte sur le monde. Pour lui, il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas de différence entre le moment où il rigolait bien et le moment où l'inspecteur, il arrive. Comment il fait Goscinny pour produire ça? Il redevient enfant dans sa tête ou il y a ça, mais il y a aussi tout simplement le fait que, comme je disais, l'accumulation d'actions dans une seule phrase avec le « et » qui est là et qui donne l'impression qu'en fait on a une suite tout à fait cohérente, alors que pas du tout. Mais aussi le recul qu'il peut avoir sur les événements. Effectivement, je pense qu'il se met un peu dans la place d'un enfant, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'ironie. L'ironie dans le sens où on détourne les événements pour s'en moquer, mais aussi parce que quelque part on les aime profondément. Goscinny, c'est un ironiste amoureux, quoi, quelque part. Et c'est un ironiste amoureux à la fois de l'enfance, mais aussi des adultes sur lesquels il porte leur regard. Et il est toujours en train de les contrarier. C'est ça qui est problématique, vous voyez, dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est que finalement, le petit Nicolas, il a pas forcément le dessus sur ses parents. Alors que dans chacune des histoires, le petit Nicolas et ses amis, hein, évidemment, ils réussissent à déjouer, quelque part, le monde des adultes. Beaucoup des récits se terminent sur la défection du monde des adultes. Le photographe, il est parti, il n'en pouvait plus. À un moment donné, le père, ils l'ont attaché parce qu'il jouait aux cow-boys et aux indiens, ils l'ont oublié. Alors du coup, il est en train de crier, attaché à son arbre. Et puis le petit Nicolas, il arrive dans le jardin, il dit « c'est super, hein, papa, il continue à s'amuser. C'est bien de savoir s'amuser tout seul comme ça. » Et ainsi de suite, la maîtresse, elle est au bout de sa vie. Le bouillon, alors donc lui... Le surveillant de la cour de récréation. C'est ça, voilà, exactement, qui est toujours... il a une réputation de les serrer. Il s'est occupé d'eux pendant une journée, le lendemain, il était lui-même malade. Mais voilà, quoi, c'est vraiment l'idée que... La victoire que... des enfants. Oui. Qui n'est pas volontaire, hein. C'est pas une volonté de s'aborder totalement l'univers des adultes, c'est qu'ils le font naturellement. Et c'est ça, je pense, qui plaît profondément à Goscinny et à Sempé aussi, accessoirement, parce que c'est ce qu'il va pas arrêter de faire. Les Gaulois dans Astérix et Obélix, c'est exactement ça. C'est le village, lui-même d'ailleurs très indéterminé, hein. On disait tout à l'heure quel âge, etc., pour le petit Nicolas. Là, les Gaulois, on sait même pas le nom du village. On ne sait pas comment il s'appelle. On est perpétuellement en 53 après Jésus-Christ. Enfin, avant Jésus-Christ, pardon. Bref, on est dans cette sorte de stase qui correspond tout à fait, en fait, à l'enfance du petit Nicolas. On est figé dans le temps. Et en même temps, ce village, comme l'enfance du petit Nicolas, elle apparaît comme une sorte d'épine, de faille dans l'ordre établi, qui est celui de l'Empire romain ou celui des adultes. Je crois que le jour où je m'éloignerai complètement de mon enfant, je ne pourrai plus écrire, je ne serai plus un romancier. Je crois que la fonction créatrice est très profondément liée à l'enfance. Tuer l'enfant dans l'adulte, c'est vraiment tuer tout rapport avec la créativité. Aza, on voit la lumière sous la couette, là. Éteins, s'il te plaît. Attends, je finis la page. Samedi après-midi, quand je suis rentrée de l'école, papa et maman m'ont appelée dans le salon. Ils avaient l'air bien embêtés. « Nicolas, m'a dit papa, ce soir, nous allons dîner chez les Tartineaux. »« Chic !» j'ai crié. « C'est vrai, j'aime bien dîner dehors. Et puis, monsieur et madame Tartineaux sont très chouettes. Une fois, nous sommes allés goûter chez eux. Ils avaient des gâteaux. Et monsieur Tartineaux m'a prêté des livres avec des images terribles. »« C'est que, » a dit maman, « tu ne viens pas avec nous, Nicolas. Tu t'ennuierais beaucoup. Il n'y a pas d'enfants, rien que des grandes personnes. »« Ah bah non, alors !» j'ai crié. « Moi, je veux y aller aussi. » « Écoute, Nicolas, m'a dit papa, maman te l'a déjà expliqué, tu ne t'amuseras pas chez les Tartineaux. »« Si, je m'amuserai, » j'ai répondu, « je regarderai les livres d'images. »« Les livres d'images ?» a demandé papa. « Quels livres d'images ? » ?»« Oh, et puis inutile de discuter, Nicolas, ce dîner n'est pas pour les enfants, un point, c'est tout. » France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. C'est intéressant, Nicolas Taleb, de comparer ce qu'il reste d'un texte selon qu'il soit lu par la voix d'un homme, Georges Clès, ou la voix d'un enfant, ici Aza Mercier-Berger, qui a lu le petit chapitre qui s'appelle « Tout seul ». On entend le texte différemment, on entend la langue différemment, c'est bien qu'on se demande si finalement chaque lecteur ne donne pas à Nicolas, au petit Nicolas, sa propre voix, et chaque auteur, c'est ce que disait Romain Gary dans l'extrait qu'on a entendu, hein, une archive de 1975, il dit bien que le jour où l'adulte n'a plus en lui sa part d'enfant, il ne peut même plus écrire, comme si au fond toute entreprise d'écriture était une façon pour l'adulte que nous sommes de donner la parole à l'enfant que nous étions. Ben oui, je pense que tout l'intérêt du petit Nicolas, mais même effectivement de n'importe quelle œuvre d'art, elle se situe là. Picasso, il dirait pas autrement. Hein. Picasso, il a toujours voulu retrouver le dessin qui était celui de l'enfance. Le toucher, le coup de main qu'il avait quand il était petit. Donc une spontanéité qui est totalement liée en fait à cet âge-là. Et il n'y a pas de créativité, effectivement, je pense, qui ne soit pas liée d'une certaine façon à l'enfance. Mais c'est aussi parce que l'enfance, c'est un moment d'indétermination qui est fondamental. Et sans doute que l'écriture de Goscinny et le lien qu'il entretient avec le dessin de Sempé est caractéristique de ça. Parce que tout est toujours mouvant, tout est toujours indéterminé. Par exemple, pour reprendre cette histoire avec la photo de classe, y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dessin de groupe, donc comme pour la photo, ou alors quand ils sont dans une cour de récréation, ou alors quand ils sont dans la salle de classe, en fait, on ne sait pas différencier le petit Nicolas de ses autres tous. Camarades. Voilà. Sauf Agnan qui a ses lunettes. Oui, Agnan. Ah ben justement, parce que Agnan, le problème d'Agnan, c'est que il ne parle que de lui. À chaque fois qu'il se plaint, c'est « Ah mais oui, mais on ne m'aime pas ». On m'aime pas, on est méchant avec moi, je le dirai à mon papa et il vous punira, etc. C'est-à-dire que c'est le problème d'Agnan, c'est que c'est un personnage qui est auto-centré. Il parle de lui à la première personne constamment et il y a que lui qui compte. Et c'est pas parce que c'est le chouchou que les autres ils l'aiment pas, mais tout simplement parce que il est antipathique, c'est ça. Il est antipathique et puis surtout il parle que de lui. Alors que le petit Nicolas, il dit bien sûr je, mais le je s'efface souvent derrière le on. On a bien rigolé, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, la grande poésie aussi du petit Nicolas, c'est que ça incarne pas l'enfance à travers les yeux seulement d'un enfant. Je pense que ça incarne une enfance absolue, plurielle, qui est celle en fait des copains. Et d'un fantasme, d'une communauté de l'enfance où on est tous fraternels, liés les uns aux autres, et on rigole quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce qu'ils sont toujours en train de se taper dessus, régulièrement ils pleurent pour un oui ou pour un non, et le résultat de ça, c'est que à la fin, on a bien rigolé. Invariablement. Donc malgré les aléas, malgré les problèmes, malgré les différends qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres, en réalité, il reste tout du long des histoires un groupe très soudé qui renvoie à l'enfance avec un E majuscule, j'ai envie de dire. Ça incarne l'enfance. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans la littérature de cette manière de raconter l'enfance sans que celle-ci ne soit idéalisée ou sans qu'elle ne soit dépeinte d'un point de vue extérieur. On parlera de Marcel Pagnol jeudi, mais là c'est vraiment l'adulte qui donne la parole à l'enfant qu'il était en assumant cette nostalgie. On a écouté la voix de Romain Gary qui a écrit à la fois La promesse de l'aube, qui est un texte autobiographique, et La vie devant soi, qui est un texte de fiction, enfin sous le nom d'Émile Ajar d'ailleurs, dans lequel il donne la parole à Momo, oui, qui a une dizaine d'années et qui ressemble en beaucoup de points d'ailleurs à la narration du petit Nicolas, cette manière de parler, de se tromper. Il parle de Madame Rosa qui monte les escaliers à pied. Il dit c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Oui, il dit un mot à la place d'un autre. C'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Oui, tout à fait. Alors la grande différence, évidemment, c'est que chez Romain Gary, c'est très grave. Enfin, il y a beaucoup de gravité. Mais oui, il y a eu d'autres tentatives de s'inscrire dans un langage qui est celui de l'enfance en mimant quelque part les maladresses et le côté un peu caduque quoi, hein, ouais, dans l'expression. Mais le petit Nicolas, la tendresse qui s'en dégage, c'est vraiment lié à l'importance que l'enfance prend dans les récits. Finalement, chez Romain Gary, l'enfance est un témoin de ce qui se passe dans le monde des adultes. Il accompagne Madame Rosa... Enfin, jusqu'à la fin, quoi. Et Dieu sait si c'est tragique et émouvant. Tandis que le petit Nicolas n'est pas un témoin. Ou si c'est un témoin, c'est un témoin de sa propre enfance. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait que le petit Nicolas, il s'inscrit en dehors de tous les modèles et de tous les schémas qui sont connus. Parce que ça donne forme à l'indétermination qui est celle de l'enfance, à ce qu'on pourrait appeler son réel en quelque sorte, parce que c'est l'enfance qui échappe toujours à la réalité telle que on veut la signifier, dans laquelle on veut l'enfermer, et qui est toujours en train de se remodeler autrement, ailleurs, selon d'autres critères, selon d'autres modèles, selon d'autres idéologies aussi quelque part, comme celui de la fraternité entre les copains. Et c'est vraiment l'incarnation du réel, quoi, en quelque sorte. Le réel au sens de Lacan, hein, qui définit ça comme étant l'impossible, ce qui n'est jamais représenté, ce qui ne peut pas être représenté, parce qu'il échappe toujours à la représentation qu'on peut en faire. L'enfance, je pense que c'est ça. C'est quelque chose que la nostalgie ne peut pas saisir non plus, parce que le souvenir qu'on en a est toujours un souvenir qui vient le trahir. On recompose un souvenir. On en fait autre chose que l'enfance réelle, elle a été. Tandis que là, l'entreprise de Goscinny et de Sempé, c'est que, au contraire, elle essaie de définir l'enfance au moment où elle est vécue. Et non pas avec un caractère rétrospectif. Et non pas avec ce côté flashback et on reconstitue des morceaux de l'enfance que nous-mêmes on a vécu. Non, c'est une enfance qui est construite et qui essaie d'être saisie à travers son propre déploiement. Il nous reste 4 minutes de quoi écouter encore un extrait, Nicolas Taylor. Je vous laisse le choix. Vous pouvez écouter On a répété pour le ministre. Vous pouvez écouter Louisette ou bien À la récré, on se bat. Vous choisissez lequel? Louisette, allez. Allez, Louisette, lue par Georges Class. Je n'étais pas content quand maman m'a dit qu'une de ses amies viendrait prendre le thé avec sa petite fille. Moi, j'aime pas les filles. Maman a dit « Maintenant, les enfants, allez vous amuser. Nicolas, emmène Louisette dans ta chambre » et montre-lui tes beaux jouets. » Maman, elle a dit ça avec un grand sourire, mais en même temps, elle m'a fait des yeux, ceux avec lesquels il vaut mieux ne pas rigoler. Louisette et moi, on est allés dans ma chambre, et là, je ne savais pas quoi lui dire. C'est Louisette qui a dit... Elle a dit « T'as l'air d'un singe. » Ça m'a pas plu. Alors je lui ai répondu « Et toi, tu n'es qu'une fille. » Et elle m'a donné une gifle. J'ai bien envie de me mettre à pleurer, mais je me suis retenu, parce que maman voulait que je sois bien élevé. Alors, j'ai tiré une des nattes de Louisette, et elle m'a donné un coup de pied à la cheville. Là, il a fallu quand même que je fasse ouille, ouille, parce que ça faisait mal. J'allais lui donner une gifle, quand Louisette a changé de conversation. Elle m'a dit, « Alors, ces jouets, tu me les montres ?» On est allé chercher le ballon, et moi, j'étais très embêté, j'avais peur que les copains me voient jouer avec une fille. « Tu te mets entre les arbres, m'a dit Louisette, et tu essaies d'arrêter le ballon. » Là, elle m'a fait rire, Louisette. Et puis elle a pris de l'élan, et boum, un shoot terrible. La balle, j'ai pas pu l'arrêter. Elle a cassé la vitre de la fenêtre du garage. Les mamans sont sorties de la maison en courant. Ma maman, a vu la fenêtre du garage et elle a compris tout de suite. « Nicolas, elle m'a dit, au lieu de jouer à des jeux brutaux, tu ferais mieux de t'occuper de tes invités, surtout quand ils sont aussi gentils que Louisette. » Moi, j'ai regardé Louisette. Elle était plus loin, dans le jardin, en train de sentir les bégonias. Le soir, j'ai été privé de dessert. Mais ça ne fait rien. Elle est chouette, Louisette. Et quand on sera grand, on se mariera. Elle a un chou terrible. Je suis contente que vous ayez choisi cet extrait, Nicolas Tellop, parce qu'on parle moins des personnages féminins dont le petit Nicolas et cette Louisette. Elle a un rôle très important. Elle renverse complètement la théorie du genre que tout le reste du texte, quand même, s'efforce à établir. Ouais, voilà. Mais c'est là tout le génie de Goscinny, parce qu'au début, on se dit, bah voilà, quoi, il va se mettre dans la peau du petit garçon qui aime pas les petites filles et ça s'arrêtera là. Et en réalité, non, quoi, parce que c'est la rencontre avec l'autre, de nouveau, qui vient redéfinir son propre système de valeurs et sa vision qu'il peut avoir du monde. Finalement, une fille qui était une insulte dans sa bouche, hein, parce que lui, il se fait traiter de singe, et du coup, il répond, bah, toi, t'es qu'une fille, ça devient une qualité. C'est plus du tout ce qu'il pensait. Donc, ouais, il y a une redéfinition totale, et du coup, quelque chose qui ouvre vers le sentiment amoureux, vu que finalement, il réussit à se reconnaître dans ce qui lui est étranger. Et c'est ça la rencontre avec l'autre aussi. Et tous les récits du petit Nicolas peuvent être lus sur ce modèle-là, quand c'est des relations avec ses copains, avec Alceste qui est très présent, mais aussi avec les autres, quand c'est des relations avec la maîtresse, quand c'est des relations avec évidemment ses parents, hein, la maman est quand même fort présente. C'est toujours finalement une rencontre avec l'autre, que son regard ne va pas transformer complètement, mais qui va prendre place dans son cœur. Très concrètement. Merci beaucoup, Nicolas Tellop, d'être venu nous parler du petit Nicolas ce matin. Je renvoie vos ouvrages, on les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, sur la page de France Culture, hein, l'anti-atome Franquin, l'épreuve de la vie. Et puis cette année est paru Astro Boy, cœur de fer, aux éditions Les Impressions Nouvelles. On se quitte en restant dans la cour de récré. C'est la chanson de Stella, douée pour la récré. Les maths pour moi c'est un vrai cauchemar. C'est à cause d'elle que je me couche tard. Il ne sert à rien tous ces problèmes. Ils sont idiots mais faut les faire quand même. Moi je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah yeah, uniquement pour la récré. Le français ça ne me plaît pas. C'est une matière que je n'aime pas. Et la grammaire je l'ai prise en grippe. Je peux pas m'accorder avec les participes. Moi je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah yeah, uniquement pour la récré. Oh oh oh oh, yeah yeah yeah yeah, elle est douée pour la récré. C'est pas mon fort la gymnastique, au moindre effort je suis allergique. Ça me fait mal quand je me baisse, ça me fait mal ou c'est de la paresse. Moi je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, uniquement pour la récré. Les langues vivantes moi ça me tue, et les langues mortes encore bien plus. J'en ai assez de mes versions latines. On ferait bien mieux nous apprendre la cuisine. Moi je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, uniquement pour la récré. Les bases, il faut vous dire que ça me rase. Tous ces produits ont la même apparence. Dans ce domaine, je manque d'expérience. Moi, je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah yeah, uniquement pour la récré. La géologie et la botanique, c'est aussi bête que la physique. Je fatigue mon cerveau à cause d'elle. Pour moi, les sciences ne sont pas naturelles. Moi, je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah yeah, uniquement pour la récré. Pourtant plus tard je veux être professeur, mes élèves en verront de toutes les couleurs. Je les soumettrai à la torture, ça me vengera de ce qu'aujourd'hui j'endure. Moi je suis douée, yeah yeah yeah yeah yeah, uniquement pour la récré. sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, vous vous demandez si le monde d'après la Covid ou le Covid ne ressemble pas à une cérémonie de clôture. Je vais vous faire un aveu, mon morceau de musique préféré, terriblement cruel encore aux oreilles parisiennes, c'est l'hymne de la Ligue des Champions. J'ai du mal à écouter ça sans frissonner, et pas seulement parce que Paris a perdu en finale cet été. Je suis particulièrement ému quand je l'entends, car ce que j'y entends, ce que j'y ai toujours entendu, c'est un hymne profondément crépusculaire. Oui, mais ça c'est parce que la Ligue des Champions a failli ne pas se jouer cette année. Sauf que l'impression, je l'avais avant, chaque année. Ce que raconte cet hymne, un peu grandiloquent, c'est vrai, c'est que le spectacle sera chaque année un peu plus grand et plus risqué. La Ligue des Champions, dernier tournoi des villes européennes après des millénaires de guerre, ultime quête du Graal, dernière itération des croisades, a toujours eu, pour moi, quelque chose de dangereux. Souvenir peut-être du drame du Hazel, ou plus probablement, idée plus romantique que tout avait une fin et que cet hymne lancinant ne racontait pas autre chose. Le principal événement de l'année sportive courait à sa propre perte et c'est ce que nous aimions secrètement en lui. Cet hymne est d'ailleurs adapté d'une œuvre de Handel, une œuvre de gloire et de déclin dédiée, elle, au prêtre Zadok, prêtre de l'apogée du temple de Salomon. Cette œuvre, faite pour le couronnement des rois puis des villes européennes, est ainsi une musique profondément mélancolique. Bientôt, le temple sera détruit. Bientôt, nos villes seront emportées dans les rapides déchiquetés de l'histoire. Nous avons été privés de Jeux Olympiques cette année, mais la cérémonie de clôture a été inoubliable. Il m'a fallu cette pandémie, cette finale de la Ligue des Champions à huis clos, ce Roland-Garros désert, ce Tour de France en septembre, pour comprendre enfin que Rome était tombée. Parce que vous pensez que le public ne reviendra pas ? Sa disparition, c'est ce que j'ai compris, était intégrée au spectacle depuis le début. C'est lui, le public, qu'on menait comme un gladiateur à sa mort certaine. Les spectacles de masse, on le sait, sont souvent des simulacres d'exécution. On gardera du Tour de France 2020 l'image de Roglic, celle du vaincu effondré, plutôt que celle du vainqueur Pogacar. Encore plus que les buts, ce sont par exemple les blessures, les chevilles tordues et les morts subites que nous désirons secrètement voir au foot. C'est la fonction anthropologique du sport, un sacrifice humain rendu acceptable, curialisé, aurait dit le sociologue Norbert Elias, rejoué pour de faux, mis à distance et civilisé. Mais maintenant que les stades sont vides, est-ce que vous pensez que cette sublimation peut encore se produire ? Ben en ce moment, les athlètes paraissent livrés à eux-mêmes, écartelés entre quatre ombres par les projecteurs. La scène est plus claire, la scénographie plus limpide. Tout cela avait à voir secrètement avec la mort. Avec la mort de notre civilisation, en cela, le seul sacrifice véritable auquel on aura assisté pendant l'épidémie est très explicite, c'était bien celui du public. Les sports populaires renouent enfin avec leur drôle de mission expiatoire ou sacrificielle, car le sport n'a jamais été un jeu innocent. Le sport a toujours eu quelque chose de fatal, un rapport intime avec l'inexorable. C'est la notion elle-même de record qu'il faut ici interroger, des noms destinés à être effacés. Des tablettes, des villes victorieuses destinées à être détruites, des civilisations redevenues mortelles. Mais si 2020 est une cérémonie de clôture, alors elle est spectaculaire. Mais c'est une clôture partielle, car elle a laissé derrière elle un village fantôme, celui des Jeux de Tokyo 2020. Alors je ne sais pas si tout est vraiment mort ou bien seulement hanté. C'est toute la question. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à retrouver en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valensic et Nicolas Berger ont réalisé pour vous cette émission. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Baptiste Lénard. À la lecture des textes, Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de l'enfance dans la littérature. Demain, nous serons en compagnie de Pénélope Bajut et de Florence Casuli. On se demandera si Roald Dahl ne serait pas dangereux pour les enfants. Toute une question parlera de Charlie et la chocolaterie, de Mathilda, de James et la grosse pêche. Bref, tous les livres préférés de votre enfance, peut-être, ou sinon ce sera l'occasion de les découvrir. D'ici là, vous pourrez écouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi vous abonner au téléchargement, au podcast. Comme ça, vous pourrez écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, et pourquoi pas avec vos enfants cette semaine, justement. À demain, 10h, nous on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.